ça y est, on y est, vous êtes bien installés. Elle a été étrange cette saison, elle a été complexe, bouleversée, inquiétante, dystopique, comme si le futur était venu toquer à notre porte, comme si l'anticipation s'était invitée chez nous, dans notre foyer, dans nos salons, jusque dans nos nuits. Combien d'autrices, de réalisateurs, de scénaristes, de dessinateurs l'avaient imaginé cette période? Combien nous avaient mis en garde? Mais aujourd'hui, on ne va pas tourner la tête vers ce passé immédiat, mais vers demain. Demain l'ailleurs, demain l'horizon, demain l'espace. Vous êtes bien installés? De la SF plein la valise, c'est le programme de fin de saison qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans ce numéro spécial qui conclut la quatrième saison de la méthode scientifique. Et oui, mais avec même un générique spécial, dites donc, vous voyez comme on vous bichonne. Malgré le confinement, la distance, malgré ce retour à la normale qui n'est pas tout à fait normal, nous avons fait en sorte de revenir pour ce dernier épisode de la saison 4 pour vous donner plein de conseils, de lectures, de visionnages, de films, de séries, même de jeux vidéo pour peupler votre été de science-fiction, d'imaginaire et d'ailleurs. Tout au long de cette heure, vous allez retrouver des voix familières avec un dispositif un peu spécial puisque Covid oblige, tout le monde sera au téléphone tour à tour. Presque tout le monde, puisque pour orchestrer ce numéro d'équilibrisme radiophonique, une personne a bravé tous les dangers, tous les obstacles, la prise de température à l'entrée de la maison de la radio, ce qui n'est pas le moindre des obstacles, croyez-le, puisque j'ai à mes côtés en studio et à bonne distance, je tiens à le préciser, le camarade Simon Rio pour m'accompagner tout au long de cette heure. Bonjour Simon. Bonjour Nicolas. Rédacteur en chef du site Écran Large, un commentaire sur le générique Michel Legrand. Oh écoutez, il m'a beaucoup ému, j'ai déjà de la SF plein la valise grâce à vous. Très bien, Simon, puisque vous êtes ici en chair et en os, on va commencer avec vous et avec un livre qui vous a marqué cette année, qui nous a marqué tous les deux, pour être tout à fait honnête, c'est VTM de Jean Barret aux éditions du Bélial. Alors moi c'est un livre qui m'a énormément impressionné, je vais essayer d'en dire le moins possible sur son intrigue parce qu'il y a un plaisir de la découverte qui est immense, non pas qu'il y ait grand chose à spoiler je dirais en termes de structure, mais véritablement découvrir ce qui se trame et l'ampleur du texte page après page, c'est un des grands plaisirs de la lecture. Disons tout simplement qu'il s'agit, on pourrait dire, d'une boucle, d'une routine répétée quasiment page à page dans un futur assez proche, d'un homme qui tente désespérément de se suicider dans un monde qui est notre monde de réseaux sociaux poussé à son paroxysme. Et pour moi le livre a réussi deux défis majeurs, c'est à la fois réussir à tenir cette figure de la boucle qu'on répète sans cesse en la nuançant, en la variant, en la transformant, mais aussi il fait quelque chose qui est un des plus gros numéros d'équilibriste notamment de la science-fiction, c'est d'inventer un vocabulaire. Ça c'est une forme qui peut très vite devenir désuète, qui peut même être ratée si j'ose dire dès son écriture, et là il arrive non seulement à créer quelque chose d'infiniment drôle, d'infiniment crédible dans c'est les très très drôle, il faut préciser qu'on rigole vraiment beaucoup et de la science-fiction dans laquelle on rigole de bon cœur, c'est un humour grinçant, un peu trash, assez cynique mais qui tape dans le mille vraiment. Au propre comme figuré. Voilà, mais qui n'est jamais goguenard, c'est-à-dire que il arrive à utiliser, on va dire, un certain culte du lol, culte du divertissement, de la petite phrase, de la punchline qui fait le sel des réseaux sociaux aujourd'hui, de les amener vraiment à leur point de rupture ou de fusion. C'est effectivement très drôle, ça n'est jamais du clin d'œil pour lecteur averti, il y a vraiment un plaisir de démolition qui est extrêmement communicatif quand on lit le livre, et je trouve qu'il y a un travail stylistique justement, je dirais, de fausse légèreté, de fausse vulgarité. C'est un travail sur la vulgarité qui la met en lumière et qui l'exprime, et vraiment c'est un bouquin qui fonctionne un peu comme un révélateur, c'est-à-dire que vous direz c'est pas très original en science-fiction de faire ça, mais là je trouve qu'il le fait avec une acuité et un plaisir, ouais, c'est incroyablement communicatif. Et vous l'avez dit, moi j'en pleurais de rire et d'effroi, mais c'est vraiment un très beau texte. Il faut préciser qu'effectivement pour compléter un peu l'univers, ce serait une sorte d'univers à la Matrix mais revu par Zuckerberg. C'est-à-dire où d'un seul coup la matrice est devenue une sorte de réseau social permanent, et donc on a ce héros qui est suicidaire vraiment, qui termine tous les chapitres avec cette figure de la répétition par se tirer une balle dans la tête, et à un moment donné l'intelligence artificielle lui dit: nous avons constaté que vous vous suicidiez beaucoup, est-ce que vous voulez déduire le suicide de vos temps de loisir? Oui, absolument, mais c'est-à-dire c'est un univers où la bienveillance, ou plutôt la fausse bienveillance, est à ce point exacerbée, à ce point présente, et est à ce point une mécanique sociale que elle en devient proprement monstrueuse, et tous les petits agrégats, tout ce monde qui en fait est une espèce d'Instagram, de prison Instagram à ciel ouvert, où tout le monde se like, tout le monde s'interconnecte, s'interpénètre. Tout le monde a des rapports sexuels obscènes. Obscènes, totalement délirants, exponentiels, superlatifs, tout ce que vous voulez. Et là aussi, il y a encore un travail littéraire, il y a une quantité de néologismes qui sont mais proprement géniaux. Et vraiment, voilà, moi je reste en permanence impressionné par le texte, impressionné par sa profondeur, sa férocité, mais son apparente légèreté, toujours. Alors, on a notre premier intervenant de cette grande table ronde de l'SF plein la valise, qui, je crois, n'a pas tout à fait le même avis que vous sur VTM. Bonjour Jean Barret. Oui, bonjour. Bonjour à vous deux. Alors, est-ce que c'est un peu gênant d'entendre des louanges comme ça de votre ouvrage ? Mais j'ose rien dire, de peur de venir démolir tout ce que vous avez pu dire de sympathique sur l'ouvrage. Merci à tous les deux, voilà. Non, mais j'ose rien dire de plus. C'est pour nous effectivement vraiment un point fort de la SF française cette année. Il faut préciser que c'est une trilogie. Le premier tome qui est sorti au Bélial s'appelait Bonheur TM, VTM vient de sortir. Le troisième tome s'appelle Mort TM, c'est pour quand ? Alors, ça devait être à la rentrée vers septembre-octobre, et puis en définitive, en raison du confinement, ça va être repoussé aux dernières nouvelles, plutôt premier trimestre de l'année prochaine, probablement mars. Vous pouvez nous dire un mot de Mort TM, puisqu'il faut préciser que ce sont des romans que l'on peut lire dans un ordre dispersé. C'est une trilogie thématique. Il y a évidemment des points de jonction. On a l'impression que VTM, c'est la suite, en tout cas, c'est l'évolution de la société de Bonheur TM. Donc il y a quand même vraiment pas mal de points de jonction. Mais ce sont des histoires totalement indépendantes. Totalement indépendantes. Alors je vais éviter de m'auto-spolier. Il y a une petite, peut-être, j'allais dire, surprise dans Mort TM que je ne veux surtout pas révéler. Mais oui, ce sont des thématiques, ce sont trois thématiques. Bonheur TM, c'était la thématique de la consommation, de la surconsommation, de la pléonexie. VTM, c'est la thématique de la fausse liberté que nous vend notre société, cette espèce je vais employer un grand mot de fascisme, tourner sur l'idée qu'au contraire on va vous rendre libre et alors qu'en réalité on vous emprisonne. Et Mort TM est beaucoup plus centré sur les religions. Donc les trois thèmes formaient, on va dire, une espèce de réflexion sur la transcendance. Est-ce que je peux me transcender avec le marché en surconsommant ? Est-ce que je peux me transcender avec une liberté factice, virtuelle, gérée par des algorithmes dictateurs ? Ou est-ce que je peux me transcender avec les religions ? On suivra évidemment la sortie de Mort TM bien de très près. Alors si Simon et moi avons une passion pour vie notamment, vous avez une passion, Jean Barret, pour... quelle surprise, j'ai envie de dire, ce très prolifique et très mauvais genre auteur qui est Serge Brussolo. Racontez-nous pourquoi. C'est ça. Alors, Serge Brussolo, oui, c'est un auteur que je trouve absolument extraordinaire. Sur le fond et sur la forme, il a une forme littéraire, alors qui a beaucoup changé parce que c'est un monsieur qui écrit depuis longtemps, donc naturellement son style a évolué. Mais les livres de Brussolo sont très souvent, presque toujours, enfiévrés. Il y a un délire un petit peu enfiévré de style, avec des personnages alors parfois poussés un peu trop dans leurs extrêmes. Je dirais que je suis mal placé pour faire cette analyse-là, mais très poussé dans les extrêmes, des personnages qui ont des réactions excessives, mais c'est un style qui peut plaire ou déplaire sans doute, mais qui, je pense, ne laisse vraiment pas indifférent, et alors un fond éblouissant au niveau imaginatif. Est-ce qu'il y a quelques titres que vous pourriez conseiller aux auditrices, aux auditeurs qui ont vraiment grâce particulière à vos yeux ? Oui, alors en tout premier, L'homme aux yeux de Napalm, qui est... C'est chez De Noël. Chez De Noël, je veux pas trop en parler parce que si on fait un pitch, il va paraître un peu plat, alors qu'en réalité, c'est une œuvre extraordinaire qui, je peux juste dire qu'il y a une mise en scène, un détournement de Noël, la période de Noël et du Père Noël, qui est ébouriffante et là aussi, qui, à mon avis, ne peut vraiment pas laisser indifférent. On a La nuit du bombardier, pareil, des passages enfiévrés, un délire imaginatif complètement fou et qui mérite vraiment l'attention du lecteur. Alors, ce sont des livres très courts, mais très denses, dont on sort parfois épuisé. Fatigué de ce qu'on a imaginé. On va renvoyer évidemment les auditrices et les auditeurs vers ces titres, en particulier de Brussolo. Mais il n'y a pas que Brussolo dans votre vie, Jean. Il y a aussi une série assez particulière. Camille Musk, nous avons besoin de votre aide. Rick, Morty, pourquoi moi? Il est arrivé quelque chose à Elon Musk dans votre réalité. Non, il va bien, mais il s'agit d'un travail d'équipe. Et Elon Musk a une sale tendance à vouloir toujours tout contrôler. Je n'ai pas eu une enfance des plus faciles avec une dentition pareille. Peut-être qu'en surpassant les difficultés, j'ai acquis une certaine confiance en moi et un goût pour la collaboration. Ouais, ou bien t'es moins imbu de ta personne parce que t'as des chicots tarés. C'est une théorie recevable. Allons discuter plus loin. Voilà, vous venez d'entendre un extrait de la série d'animation Rick et Morty. Un mot, Jean Barret, pourquoi est-ce que vous avez un goût particulier pour cette série? Très rapidement, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde encore à entendre, mais on aimerait vous entendre là-dessus. Deux raisons. La première, pour tout amateur de SF, c'est une série absolument géniale, parce qu'il y a des concepts de SF par dizaines à chaque épisode, et qui sont souvent détournés, alors d'une façon humoristique et cynique, mais malgré tout très bien traité, je trouve, ça n'est pas une façon de caricaturer la SF, c'est une façon de la détourner, et ça c'est, je trouve, extraordinaire. Et deuxième raison, c'est que donc il y a deux personnages dans cette série, et le grand-père Rick est un pur nihiliste, et c'est très rare. Je crois que, à part... Ça, évidemment, ça vous parle, le nihilisme, puisque c'est aussi le truc de votre héros de VTM. Mais on peut préciser pour les auditrices et les auditeurs que ce sont des caricatures du Doc et du Doc Emmett Brown et de Marty McFly de Retour vers le futur. Et c'est pas du tout, ce n'est pas du tout un clone de Simon Rio, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer quand on voit le Doc. Rick, en tout cas. Exactement. Et voilà, c'est un vrai nihiliste traité comme en tant que tel, et pas simplement, là encore, comme une posture ou comme une facilité scénaristique. Non, il y a une vraie recherche de ce que ça peut représenter d'être nihiliste dans la vie de tous les jours même. Et c'est suffisamment rare, et odieux bien sûr, parce que le personnage est absolument odieux, mais c'est suffisamment rare pour être souligné et pour mériter l'attention du spectateur. Voilà. Merci beaucoup Jean Barret, on va vous laisser. Merci d'avoir été avec nous pour cette dernière de la saison. Évidemment, on met toutes les références vers vos livres et vers les livres de Brussolo et vers Rick et Morty. Un mot tout de même, Simon, Rick et Morty, effectivement, en termes de SF, c'est drôle, c'est trash, pas très surprenant que Jean Barret aime ça. Et c'est vraiment des purs concepts de SF incroyables. C'est de la pure SF, et il faut voir donc un des deux créateurs de la série, Dan Harmon. Il a deux particularités dans son œuvre. Il était aussi le showrunner d'une série qui a été extrêmement appréciée, qui s'appelait Community. C'est quelqu'un qui s'intéresse aux personnages toxiques, c'est-à-dire que Rick, c'est à la fois le héros et l'antagoniste, il est les deux en même temps. Et il y a des épisodes où il est le personnage positif, il y a des épisodes où il est le personnage négatif, souvent il est les deux à la fois. Et voilà, Harmon s'intéresse à des personnages souvent qu'on qualifierait aujourd'hui de toxiques, et c'est très intéressant parce qu'il est pas là pour les excuser, il est pas là pour leur trouver de justification, il essaye de les comprendre et de voir comment ils interagissent avec les autres. Je trouve ça assez passionnant. Et à côté de ça, Harmon, c'est un vrai architecte en termes de scénario, c'est-à-dire que il travaille sa structure, il travaille son tempo, et quand il marie ça à des concepts de SF, univers parallèles par exemple avec lesquels il joue, avec donc des univers où tout peut se passer, tout se produit puisque tous les mondes existent. Un des principes actifs, on va dire, de l'intrigue du fil rouge de Rick et Morty, c'est que donc Rick est un scientifique, ce qu'on appellerait un savant fou génial, brillant, qui a trouvé le moyen, donc mes versions un peu trash. Voilà, et qui a trouvé le moyen de passer de réalité parallèle en réalité parallèle, et ce qui donne en fait des possibilités scénaristiques infinies. Et ce qui est sidérant, si vous voulez, c'est que face à des concepts où on se dit mais en 2h20 de long métrage, moi j'arriverai pas à l'explorer, lui arrive à en faire une proposition sérieuse, extrêmement profonde en 20 minutes, et ça c'est brillant. Rick et Morty, que vous pouvez donc voir sur Netflix, notamment. Toc, toc, toc, qui va là, mais c'est Cécile Lestienne. Bonjour Cécile. Bonjour Nicolas. Quel plaisir de réentendre votre voix après tant de longues semaines d'absence, directrice de la rédaction de Pour la Science. Cécile, vous, ce que vous aviez envie de conseiller pour cette émission, c'est une sorte, on pourrait dire, de Black Mirror version littéraire, le bot qui murmurait à l'oreille de la vieille dame de Serge Habitboul. Exactement, c'est un très joli livre de vacances. Serge Habitboul est informaticien, comme vous le savez, vous l'avez déjà invité plusieurs fois, je crois, voilà. Et dans ce, il est chercheur à INRIA, et dans ce livre, il propose tout un recueil de nouvelles qui sont effectivement des nouvelles de science-fiction. Pas du tout dystopique, hein. C'est assez drôle, assez cocasse, et c'est pas très très loin dans l'avenir. Ça pourrait même ressembler un petit peu à ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà, et c'est drôle au sens où la nouvelle qui a donné son nom au recueil, c'est une assez hallucinante conversation entre une mamie, son petit-fils et son chat, et le chat étant un robot agent conversationnel qui se moque totalement de mourir. Il y a une autre nouvelle assez rigolote où l'on voit l'équipe de France de football dans laquelle joue le petit-fils de Zinedine Zidane, donc ça vous situe dans le temps, et voilà, qui pour la première fois se fait battre par l'équipe de robots nationales. Et ça se passe en Corse, où les robots parlent corse couramment et sont tous indépendantistes. Voilà, ce genre de choses. C'est ça. Quand je disais Black Mirror, c'est Black Mirror, mais version un peu plus light, quoi. Un peu moins noir, un peu moins dark. Oui. Voilà, c'est drôle, c'est pas très noir. C'est pas pour ça que c'est un monde de bisounours, quand même, parce que c'est un livre qui est, voilà, qui peut se lire juste comme un recueil de nouvelles, voilà, mais qui se peut aussi se lire en faisant un petit peu réfléchir, parce que après chaque nouvelle, en fait, Serge Riboul fait une sorte de petite chronique sur l'état de l'art du numérique, ce que c'est que les algorithmes, l'intelligence artificielle, la gestion des données, les problèmes que posent les assistants personnels. Voilà, donc on peut aussi lire ça, c'est très facile à lire. Et c'est peut-être justement le moment de se poser la question de qu'est-ce qui nous plaît et qu'est-ce qui nous plaît pas dans le monde numérique. C'est le propos de Serge Habitboul, hein. C'est dans Le Bot qui murmurait à l'oreille de la vieille dame de Serge Habitboul, cette audition du Pommier. Mais vous restez un peu avec nous, Cécile, puisque si vous êtes là, eh bien, on a eu la tentation de faire une reconstitution de Ligue dissoute. Bonjour Olivier Lascar. Ah, bonjour Nicolas Martin. Olivier Lascar, rédacteur en chef du pôle numérique de notre partenaire chéri Science et Avenir. Ravi de vous entendre, en tout cas tous les deux. Vous pouvez même vous parler par téléphone interposé. Vous voyez, c'est le miracle de la radio. Bonjour Olivier, ravi d'entendre ta voix à nouveau. Alors Olivier, votre conseil, vous, c'est un conseil plutôt cinématographique. L'été, la chaleur, le soleil. C'est donc un film qui nous emmène vers le soleil, Sunshine de Danny Boyle. Oui, c'est un film qui n'est pas tout récent, hein, puisqu'il date de 2007. C'est un film de Danny Boyle qui raconte l'expédition d'une équipe de terriens. Ils sont 8. Ils sont envoyés vers le soleil, on est à la moitié du 21e siècle, parce que le soleil, eh ben, il est tout bonnement en train de mourir. Ça arrive beaucoup plus tôt que prévu. Et leur vaisseau spatial est équipé d'une énorme bombe. C'est vraiment pas la bombinette, hein. C'est l'énorme dispositif qui doit être largué sur notre étoile pour relancer les réactions de fusion nucléaire qui ont lieu en son sein et qui permettent à l'étoile de briller. Alors le film démarre, notre équipe est déjà dans la navette, dans ce vaisseau immense, et on a l'impression que va être déroulée une histoire qu'on peut accrocher au genre de la hard SF, c'est-à-dire une science-fiction plutôt réaliste. On est dans ces habitacles qui sentent vraiment, on pense un peu à Alien, évidemment, c'est un intérieur de cargo, on a vraiment l'impression que les gens sont là pour y vivre et y ont vécu, hein. C'est la différence entre des vaisseaux de science-fiction à la Star Trek, la série télé, et ceux d'Alien encore, justement, on sent que c'est pour de vrai. Le vaisseau, il est mu par un dispositif de voile solaire qu'on voit régulièrement ressurgir dans la presse scientifique. C'est quelque chose qui est possible, une sorte de voilure immense qui est poussée par la pression des photons qui viennent la cogner. Donc il y a beaucoup d'éléments réalistes, mais c'est quand même un récit qui va nous emmener vers autre chose. On voit que le soleil, qui est le personnage principal de ce récit, il est campé dans une dimension qui dépasse celle de la science. Et le film commence par une scène qui est très emblématique à cet égard et qui, moi, m'a beaucoup plu. On est dans une sorte de solarium, c'est la pièce centrale de ce vaisseau spatial qui est pourvu d'une sorte d'immense baie vitrée dont la fenêtre est équipée d'une surface qui peut occulter évidemment la lumière du soleil. Ouais, d'un traitement qui permet de regarder en fait en face le soleil. Voilà, la polarisation de cette vitre, elle peut être modifiée par l'ordinateur central qui commande tout ça. Et en fonction de la distance à laquelle on se trouve du soleil, c'est plus ou moins opaque. Et on découvre comme ça nos personnages qui sont comme dans un solarium, qui sont là évidemment pour profiter de ce contact charnel, hein, dont on sait à quel point il nous est nécessaire avec le soleil, mais le fait qu'on s'en rapproche comme ça ouvre une porte et pose le soleil comme un personnage divin. ça dit finalement une banalité qui est que le Soleil, c'est le point central de notre système solaire. Hein. Sans les feux du Soleil, eh ben, rien de ce qui est ne pourrait être. Mais dans le film, c'est dit littéralement, et on pense finalement à une mise en forme, à une mise en scène de toutes ces légendes égyptiennes, incas, avec ce dieu Soleil qui est le maître des vies humaines, mais auquel aussi on voue une forme de culte. Et là, dans cette société hyper scientifique et hyper techno qui est campée par ce film, on voit apparaître un nouveau rapport divin au Soleil à travers ces personnages. Un mot peut-être effectivement, Simon, là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un film assez mal aimé, alors que c'est vraiment de la très bonne SF, comme le dit Olivier. Bien sûr, mais c'est un film qui a causé, on va dire, la séparation entre le réalisateur Danny Boyle et son scénariste, qui depuis est devenu réalisateur Alex Garland et qui s'est illustré dans la SF de son côté après avec Ex Machina notamment. C'est un film qui a fait un flop terrible alors qu'il a coûté très cher et qui a, on va dire, pas mal dégoûté Danny Boyle du système des studios, en tout cas pendant un temps. Mais c'est un grand film de SF et c'est un film de SF qui se lance un défi incroyable, c'est retrouver de la sensorialité dans l'espace. C'est pas un film froid, c'est pas un film de pur concept, au contraire. Parce que justement, comme vous l'avez dit, Olivier, quand le film commence, ils sont dans l'espace depuis 7 ans, et ça fait 7 ans que leur seul point de mire dans l'espace, c'est le Soleil. Et donc, on les voit se poser une question à laquelle le film se garde bien de répondre, c'est est-ce que la lumière, c'est autre chose que des photons? Est-ce que la lumière, ça contient quelque chose qui est surnaturel, qui est de l'ordre du divin, effectivement? Et surtout, c'est un vrai concept de cinéma. Pour un réalisateur, qu'est-ce que la lumière? Et comment, quel message contient-elle? Et comment elle me permet de faire de l'image? C'est forcément une réflexion de quelqu'un qui crée des images, des photogrammes. Et donc, pour Danny Boyle, c'est un bonheur et ça va l'amener jusqu'à l'abstraction. C'est-à-dire qu'on commence dans la hard SF, les 20 dernières minutes du film sont purement, quasiment abstraites, purement sensorielles, très expérimentales, tout en ayant une trame narrative très concrète, parce que le film devient très terre-à-terre, on va dire, dans les actions de ses personnages dans son dernier tiers, et pourtant il s'autorise une liberté formelle qui est rarissime dans les films hollywoodiens. Voilà, c'est Sunshine, effectivement, un très bon film dont on ne parle certainement pas assez, qui est assez mal considéré et à tort, de Danny Boyle, que vous pouvez retrouver, que vous pouvez regarder en vous dorant la pilule au soleil. Merci beaucoup Olivier, on se retrouve à la rentrée. Merci, à bientôt Nicolas. Très bel été à vous. Et d'un film à l'autre, un film chaud, mais peut-être pas tout à fait dans le même sens du terme. Donnez-moi la fille. Non. Vous devriez. Nous avons tous les deux été conçus dans le même but. Et l'avenir appartient à Légion. Je suis venu d'un tel avenir. Il a échoué. Pour vous, ce n'est qu'une étrangère. Pourquoi ne pas me la laisser ? Parce qu'on n'est pas des machines, espèce d'enfoiré de sale ferraille. Et voilà, c'est parti pour la baston de Terminator Dark Fate de Tim Miller avec l'inoxydable, et c'est le cas de le dire, Arnold Schwarzenegger de retour pour la 6e fois, 36 ans après le premier opus de James Cameron, et avec le grand retour de Sarah Connor alias Linda Hamilton, qui est là pour nous en parler. Serait-ce Natasha Vazder, bonjour. Oui, bonjour Nicolas. Chercheuse associée à l'Université Bordeaux-Montaigne. Alors, on s'est demandé un peu en préparant l'émission comment vous alliez vous en sortir, parce que Terminator Dark Fate, c'est quand même loin d'être le meilleur des numéros de la saga. Oui, absolument. D'ailleurs, je terminerai la très très rapide intervention en disant pourquoi cette saga devait vraiment impérativement se terminer, parce que nous sommes finalement dans un échec au niveau de la narration et puis dans un échec au niveau des représentations. Mais moi, ce qui m'intéressait, en fait, c'était de replacer très très rapidement ce film qui est quand même, je dirais, c'est une thématique culte dans l'histoire donc du cinéma de science-fiction. Hein. Terminator, c'est vraiment le film de Cameron en 1984 qui a initié la saga. Tant au niveau, je dirais, il est intéressant au niveau des effets spéciaux que de la thématique, et puis parce qu'il nous montrait évidemment une apocalypse machinique massive, ce qui était un des intérêts finalement donc de la saga. Et donc c'est pour ça que finalement j'ai voulu évoquer ce film parce que pour plusieurs raisons, parce que d'abord dans l'histoire de la représentation des robots et de l'IA, et bien Terminator même jusqu'au dernier opus, jusqu'à Dark Fate, est intéressant parce qu'il nous propose vraiment une vision tout à fait plurielle donc des machines. Et ensuite parce que ce sixième film, alors il est intéressant aussi d'un point de vue de la narration parce qu'il oublie finalement les trois opus précédents pour être une suite directe du film de Cameron. Alors bon, c'est des choses qui arrivent évidemment du deux, du deuxième, de Terminator 2. Dans ses remakes. C'était une suite directe, oui. Pas du premier, du deuxième. Hein. Oui, du deuxième, pardon, excusez-moi. Oui, du deuxième, donc du film de Cameron, Terminator 2, le jugement dernier. Et ce Terminator 2 qui mettait en scène donc une Sarah Connor combative, guerrière, prête à se sacrifier pour sauver l'humanité à travers le destin donc de son fils John Connor. C'est un film qui avait quand même largement marqué les esprits. Et donc je crois que ce blockbuster, eh bien donc de 2019, Dark Fate, joue complètement sur la fibre nostalgique, avec notamment l'humanisation du Terminator Carl, hein, qui est joué par Arnold Schwarzenegger, et puis d'une Sarah Connor qui est vieillie, mais qui est toujours aussi efficace. Et donc, pour toute une génération, je pense plutôt à la nôtre, eh bien, c'était vraiment, je pense, une attente de revoir donc ces deux personnages, ces deux adversaires qui finalement deviennent des alliés. Je vais faire entrer un autre combattant dans l'arène. Bonjour Mathilde Fontaise. Bonjour. Comment ça va? Ça fait plaisir de vous entendre aussi. Oui, ça fait plaisir, c'est vrai. Et alors, pour parler de SF. Alors, Terminator Dark Fate, c'était aussi dans votre liste. Qu'est-ce que vous défendez ou vous abattez ce film? Qu'est-ce qu'il faut en penser selon vous? Ah, moi, je le défends. Je le défends. Ah. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par Natacha juste avant moi. Je le défends parce qu'en fait, c'est un film qui ment pas. On va au cinéma pour voir ce film et en fait, il nous donne juste ce qu'on est venu chercher, mais il nous le donne très bien et c'est un film très franc, très honnête en fait, en quelque sorte. Et alors moi, j'ai bien évidemment vu les deux premiers de James Cameron et j'avais pas vu les trois suivants et celui-ci étant présenté comme finalement une suite qui oublie les trois suivants j'ai trouvé que c'était une relecture moderne de cette histoire mythique. J'ai trouvé que le retour finalement d'Arnold Schwarzenegger et de Linda Hamilton était géré de manière un peu, de manière sans doute un peu exagérée, c'est un peu gros du bras, mais c'est vrai que l'arrivée de Schwarzenegger, moi, donc qui arrive en fait à la moitié du film à peu près ou aux deux tiers, m'a vraiment beaucoup plu parce que il est traité exactement, alors je ne sais pas si les auditeurs vont avoir vu ce film, mais comme Tom Cruise dans Night and Day, ce film où il se moque de lui-même, en fait. Le personnage du robot qu'il a joué a pris tellement d'ampleur dans l'imaginaire collectif et lui-même, en fait, son identité en tant que Arnold Schwarzenegger a pris une telle importance qu'il n'avait d'autre choix que de se caricaturer lui-même. Et en fait, c'est poussé un peu à son extrême dans ce film et on s'en amuse énormément. Vous pouvez nous raconter, je crois que l'apparition de Schwarzenegger, c'est pas le moment où il a une chemisette et des bières, non? Alors, c'est à peu près ça, c'est-à-dire que Terminator Dark Fate, c'est quand même un film qui Dark Fate, non, Dark Fate. Autant pour moi. qui m'a réintroduit Arnold Schwarzenegger en short et avec des claquettes. Et si vous voulez, ça, c'est un petit peu faire à la saga Terminator ce que Carlos a fait à la musique populaire. Et vraiment, j'ai beaucoup souffert. Non, plus sérieusement, moi, le gros problème que j'ai avec le film, il me semble que, il prend, on va dire, des éléments narratifs devenus célèbres des deux premiers films de Cameron, mais il me semble qu'il oublie deux choses essentielles, à mon sens. Pourquoi ces films ont été de tels succès, sont devenus des classiques, voire des films cultes? C'est tout simplement parce qu'ils réussissent un mélange assez improbable entre ligne claire, artisanat et de la vraie innovation et du vrai génie technologique. Et ce mélange-là, de se dire, là-dessus, on va faire des perspectives forcées et des maquettes. Là, on va inventer une nouvelle technique. Cette intrication-là fait que ce sont des films qui sont complètement intemporels et qui sont encore aujourd'hui très impressionnants. Et il me semble qu'en ne pensant pas à cette dualité, les Terminators qui sont arrivés après Terminator 2 n'ont jamais pensé la saga, en fait, que comme un sac de course dans lequel piocher des concepts sans jamais les habiter en termes de cinéma. Natacha Vazder, alors, un mot, faut-il voir ou non Terminator Dark Fate? Et sinon, est-ce que ce serait pas l'occasion cet été de se faire un petit marathon Terminator, et dans quel cas, dans quel ordre est-ce qu'il faut les voir selon vous? Alors, moi, je crois que c'est vraiment l'occasion de se faire un marathon Terminator, parce que je ne peux qu'acquiescer évidemment à ce que a dit Simon. C'est-à-dire que malheureusement, ce dernier film, je crois qu'il épuise un petit peu la saga. Alors, il l'épuise parce que d'abord, les multiples paradoxes temporels, eh bien, de ce récit cinématographique, eh bien, repoussent sans cesse la mise en scène en fait apocalyptique et écrasent en fait tout imaginaire possible. Si on veut les revoir, en fait, Natacha, je suis désolée de vous couper parce qu'il y a encore plein de monde à entendre pendant cette heure et c'est un peu la règle de faire un peu dans la concision. Revoir Terminator, mais dans le cadre de la saga. Je vous commencerai par le premier, en fait, le film de 1984. Donc on fait 1-2. Si, évidemment, les effets spéciaux ont vieilli. Et puis voilà, se voir en fait les trois, c'est-à-dire les deux Cameron et puis le dernier peut-être pour garder quand même une certaine cohérence donc à ce récit, puis une cohérence aussi par rapport au personnage. Et pour Arnold Schwarzenegger en claquette et en petite chemise en train de boire des bières aussi. Ben oui, on est dans une vision finalement SF parodique ou auto-parodique. Merci Natacha. Simon, en un mot, s'il y a peut-être dans la saga, dans les 6 films, on a dit beaucoup bien des deux premiers, un autre des films qui trouverait grâce à vos yeux, ce serait lequel ? Moi j'ai eu une certaine affection pour Terminator Renaissance, qui est un des seuls à mon sens à avoir essayé, sans le réussir totalement, mais de renouveler l'imagerie de la saga, et tout simplement en ne jouant plus des voyages temporels, mais en proposant un récit qui se passe dans le futur et où on voit à quoi ressemble la fameuse guerre entre la résistance humaine et les robots. Le film n'est pas totalement abouti, il y a de gros problèmes narratifs et je dirais il est un peu petit bras dans sa conclusion, mais il y a une vraie proposition d'univers, d'esthétique, il y a quelques scènes assez canon. C'est le quatrième avec Christian Bale, c'est ça ? Absolument. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et pour cette émission spéciale de fin de saison de l'ASF plein la valise, on est encore avec Mathilde Fontaise qui, outre Terminator Dark Fate, a vu pour nous, et la série qui a lancé Disney+, qui a fait parler dans tous les sens, sur tous les réseaux sociaux, si vous avez échappé aux photos ou même avec Baby Yoda, c'est que vous vivez dans un autre univers. Ça vous a plu, vous, The Mandalorian, Mathilde ? Alors moi, ça m'a beaucoup plu. Bon, je pense que ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup distrait. J'ai trouvé que c'était. Mais surtout, je voulais parler d'un épisode en particulier. En fait, donc c'est une variation autour de l'univers de Star Wars qui se passe après le sixième épisode, et avant le réveil de la Force, en fait, et qui nous emmène avec le chasseur de primes se promener sur différentes planètes, certaines qu'on connaît, certaines qu'on connaissait pas encore quand on avait vu les autres Star Wars. Et effectivement, il transporte avec lui un petit Yoda, duquel on ne connaît rien, si ce n'est qu'il est l'espèce de Yoda, et il est lancé comme ça dans une course poursuite, et en fait je trouve que chaque épisode est assez remarquable, parce qu'en fait à chaque épisode est un dure très, c'est très court, hein, c'est 40 minutes à peu près, et ça nous emmène à chaque fois comme dans un petit film avec une problématique, avec des personnages différents, et ça se renouvelle très bien et c'est très distrayant. Mais surtout, il y a cet épisode qui est vers la fin, l'avant-dernier je crois, qui s'appelle Le Prisonnier, et qui pour moi est assez radical et qui montre le meilleur de ce qu'on peut faire avec l'univers Star Wars quelque part, puisqu'il s'agit d'un huis clos qui se passe en fait dans un huis clos un peu parano, hein, comme presque un thriller en fait, qui se passe dans un vaisseau et alors là, on est vraiment, pour moi, dans un épisode extraordinaire, tant dans la mise en scène. Alors c'est pas un épisode qui a été scénarisé d'ailleurs par Jon Favreau, qui a fait la plupart des autres, hein. Donc je ne sais pas si ça se reproduira dans les saisons d'après, je l'espère, mais on a vraiment l'impression comme ça que on invite des personnes à revisiter avec leurs pattes, en produisant un scénario original, l'univers Star Wars, et à le décliner à volonté, quoi. Et avec une œuvre complète, hein, ce petit épisode en lui-même est une œuvre complète, et ça m'a complètement donner envie de voir les autres saisons que j'attends avec impatience, du coup, et qui arriveront prochainement, je crois. Qui ont été annoncées, pour pouvoir revivre ce petit frisson-là. Merci beaucoup, Mathilde. Excellent été à vous. On se retrouve à la rentrée pour de prochaines aventures scientifiques. Bah oui, avec plaisir. Tout à fait. À bientôt, Mathilde. Un mot, peut-être, Simon Rio, sur The Mandalorian et sur ce fameux épisode, effectivement, que décrit Mathilde. Alors, moi, c'est pas l'épisode que j'ai préféré. Je le trouve très bon, mais c'est véritablement le dernier qui est écrit et réalisé par Taika Waititi, que je trouve assez remarquable, mais pour des raisons tout à fait similaires à celles qu'on vient d'entendre. En fait, ce qui est assez fou dans The Mandalorian, c'est que la série s'est rappelée des vraies origines ou des vraies influences des premiers Star Wars de George Lucas. C'est à la fois le pulp, le serial, des séries comme Rawhide, qui ont été une grosse influence, mais aussi, et le western en général, mais aussi le Shambara, le film de KPDP japonais, et retrouver ces deux influences et les marier dans des épisodes qui sont très brefs. Ils font, la plupart font 28 minutes. C'est un tempo dont on a un peu perdu l'habitude. Et surtout, c'est une série qui est humble. Elle essaie pas de jouer dans la carte des grandes séries prestige avec un scénario extrêmement complexe. Au contraire, encore une fois, cette forme de simplicité va très bien à l'ensemble, va très bien à cet univers et lui donne une certaine densité. On va continuer alors en faisant un petit pas de côté avec un autre bordelais après Natacha Vazder. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Franck Celsis. Bonjour Franck. Bonjour. Chercheur CNRS au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux. Alors Franck, vous avez fait un pari assez osé de nous proposer une approche comparée d'un livre et d'un film. Le film qui est signé René Fallet, le film Jean Giraud, et pour avouer publiquement votre passion pour la soupe aux choux. Ah, vous m'avez bien eu là. Mais je peux parler de la soupe aux choux si vous voulez. Je sais pas. En tout cas, si vous aimez Louis de Funès et vous avez envie d'en revoir, je vous conseille pour cet été à partir du 15 juillet l'exposition Louis de Funès qui devait ouvrir, qui a pas pu ouvrir à cause du confinement et de la Covid, mais ça va ouvrir le 15 juillet prochain à la Cinémathèque à Paris, et c'est une exposition assez remarquable sur Louis de Funès. Revenons aux choses un peu plus sérieuses. Franck, vous voulez nous parler d'un livre de Garner Dozois qui s'appelle Le Fini des Mers, c'est au Bélial. Tout à fait, alors j'ai choisi en fait un des textes qui m'a le plus marqué de ceux que j'ai lus récemment, alors que c'est un récit, c'est un texte assez ancien du début des années 70, mais qui est paru assez récemment dans la collection Une Heure Lumière, qui est vraiment merveilleusement traduit par Pierre-Paul Durastanti, qui on voit qu'il aime vraiment ce texte. Et c'est un texte qui m'a accompagné plusieurs jours après l'avoir lu. Il croise de nombreux thèmes de la science-fiction, en particulier l'invasion extraterrestre, les intelligences artificielles, les temps relatifs. Mais il y mélange aussi un ton fantastique avec un enfant un peu incompris, maltraité, qui est doué d'un don, voire même de la fantaisie, puisqu'on a des espèces de mondes sur des plans parallèles qui s'interpénètrent. Un petit pitch peut-être, Franck, juste racontez-nous en quelques mots de quoi, quelle est l'histoire. Oui, en fait l'histoire, ça commence à peu près comme le film Premier Contact. Des vaisseaux extraterrestres apparaissent sur Terre et on tente vainement de communiquer avec eux, notamment avec l'aide d'intelligence artificielle. Donc on a la vue, je dirais, globale de cet événement. Et en même temps, on a un témoignage particulier, intimiste, d'un enfant un peu particulier. Et c'est un récit en fait assez sombre, assez pessimiste, puisque c'est en fait un récit sur l'incapacité de communiquer. Un récit qu'on pourrait résumer de la façon suivante. Si un enfant terrien n'est pas capable de communiquer avec les adultes qui sont en charge de lui, ses parents, ses éducateurs, son psychologue, eh bien, est-ce que c'est vraiment envisageable de pouvoir comprendre, appréhender, communiquer avec d'autres intelligences, qu'elles soient extraterrestres ou artificielles? On peut noter aussi le terme d'IA, utilisé dans ce texte de 1973, c'est précurseur. C'est un texte qui n'est pas à conseiller à tout le monde, et qui est assez sombre, qui n'est sûrement pas une introduction à l'ASF, mais pour qui a beaucoup lu de l'ASF, pour qui aime l'ASF, c'est un texte où on se retrouve et on se perd aussi avec vraiment beaucoup de plaisir. Et c'est publié au Bélial. Je précise qu'à force de promouvoir les livres du Bélial et ses auteurs, on va finir par demander publiquement un petit pourcentage à Olivier Girard, qui devait être avec nous, mais qui n'a pas pu être là malheureusement pour cette émission. Peut-être un tout petit mot rapide, Franck, sur une série, évidemment, qui me tient à cœur, puisque c'est une série qui est développée par Ronald D. Moore, le papa de l'indispensable Battlestar Galactica, qui est diffusée sur Apple TV, qui s'appelle For All Mankind. For All Mankind s'intéresse au cours qu'aurait suivi l'histoire si les Soviétiques avaient coiffé au poteau les Américains dans la course à la Lune et développe en fait une uchronie, une histoire alternative à partir de ce essai qu'on vient de décrire. Et l'idée derrière, c'est qu'en fait, dans toute une suite d'échecs que vont subir les Américains dans cette conquête de l'espace, et dont celui-ci n'est que le premier, en fait, ça va s'accompagner de progrès sur des plans, on va dire, peut-être plus fondamentaux, plus importants de la société, comme la place des femmes, l'acceptation des minorités. C'est une vision idéalisée des progrès humains de société qu'auraient pu faire les États-Unis dans une course à l'espace qui se serait prolongée et où la guerre froide finalement se serait déplacée sur la Lune et dans l'espace. Il y a la première saison, la série a été renouvelée pour une deuxième. Merci beaucoup Franck, à très bientôt, très bel été à vous, merci d'avoir été avec nous. Simon, un petit mot sur For All Mankind de Ronald D. Moore? Oui, la série illustre bien quand même aujourd'hui, on va dire, la puissance en termes de production que peuvent avoir des plateformes comme Apple TV, et on va dire visuellement, moi j'aime bien la série parce que sa représentation d'une dystopie progressiste est vraiment intéressante en termes de direction artistique, en termes de proposition, c'est-à-dire à quoi aurait ressemblé ce monde-là. C'est assez fascinant d'y promener son regard. En revanche, je suis beaucoup moins convaincu littéralement par l'écriture, c'est-à-dire qu'ils ont du mal au sens premier à me faire croire à cette dystopie progressiste, et je la trouve un peu, on va dire, un peu forcée et tellement bienveillante dans un certain sens idéologique que j'ai un peu, voilà, j'ai du mal à m'y transférer. Je parlais du petit pourcentage que nous allions réclamer à Olivier Girard à force de faire la promotion de ses livres. Lui, ça fait un bail qu'il ne verse plus son pourcentage. Et pourtant, ça n'est pas une raison de ne pas le recevoir. Bonjour Jérôme Vincent. Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde. Directeur des excellentes éditions ActuSF, bien entendu. Jérôme, vous vouliez partager avec nos auditrices et nos auditeurs vos coups de cœur en BD cette année. C'est vrai qu'on n'en parle pas très souvent dans l'émission. On devrait faire ça un peu plus. Il y a évidemment l'excellente émission qui sur France Culture le rayon BD de Victor Massé de l'Épinay. Vous vouliez nous parler de deux comics en particulier, Jérôme? En fait, c'est un peu ma passion secrète entre deux manuscrits le soir quand tout le monde est couché. Et j'aime beaucoup, moi, la BD américaine, les comics, et notamment les comics indépendants. Et il y a une BD qui m'a vraiment tapé dans l'œil, qui s'appelle The Weatherman. Le tome 1 vient de sortir, le tome 2 arrive ou est arrivé. En gros, imaginez que toute la planète Terre a été détruite, les réfugiés sont sur Mars, et on va suivre Nathan. Nathan a tout pour lui, hein. C'est le présentateur d'une émission importante, puisque lui il fait la météo, hein. C'est quelqu'un de jeune, d'insouciant, qui a un chien, on pourrait éventuellement parler d'un chat, mais enfin bon, un chien qui s'appelle Gaston, et on découvre assez vite que des gens lui en veulent, car ce Nathan, en fait, on découvre qu'il a eu sa personnalité complètement effacée, et dans son passé, c'est le terroriste qui est à l'origine de l'explosion de la Terre. Ça veut dire que tous les habitants de Mars lui en veulent, et à partir de ce moment-là commence une sorte de course-poursuite assez folle, assez débridée. Ce qui est assez jouissif dans ce premier album, c'est que évidemment, il y a plein de rebondissements, mais ça pose quand même la question de: est-il responsable des actes qu'il a commis alors qu'il a changé de personnalité, qu'il ne s'en souvient pas du tout? Il y a une sorte de jeu de télé-réalité où en fait on gagne le droit de pouvoir le faire souffrir lui, hein, virtuellement, mais lui il est bien bel et bien torturé, donc on instaure la torture en forme de catharsis collective. C'est ce que la BD américaine, le comics, arrive à nous faire, hein, c'est-à-dire des vrais pas de côté, des vrais bons scénarios de science-fiction qui posent en plus plein de questions, en plus du divertissement. C'est chez Urban Comics pour le tome 1. Et puis alors, il y a un autre comics qu'on aime beaucoup et qui par ailleurs a eu le bon goût de réussir son adaptation en série télé. La plus grande équipe de super-héros de tous les temps. Les 7. Est-ce que je peux vous renseigner sur autre chose? Je suis pas là pour te balader. Je sais ce qui est arrivé à Robin. T'es pas le seul dans ce cas. Les super font des centaines de victimes tous les ans en purs dommages collatéraux. Je peux pas m'arrêter. Robin! C'est là où les magasins, on intervient. Voilà la bande annonce de la série The Boys qui a été adaptée par Eric Kripke. C'est à partir du comics, de l'excellent comics de Garth Ennis, à l'origine de l'incontournable Preacher et d'Aric Robertson. The Boys s'est diffusé sur Amazon Prime. Vous confirmez, Jérôme, que le passage du comics et d'un comics très très dur, très violent, très cynique à la Garth Ennis en série, ça fonctionne? Oui, ça fonctionne bien, ça fait partie vraiment des très très bonnes adaptations. The Boys, c'est un comics qui est absolument génial, parce qu'il remet en cause véritablement les super-héros, qu'ils appellent d'ailleurs les super-slips, hein, dans les comics. Et qui sont tous des psychopathes. Alors, soit des psychopathes, soit des véritables neuneux. Hein, ou des grands pervers, enfin bon, qui ont un pet au casque. Pervers. Voilà, là aussi, c'est complètement jubilatoire, parce que ça pose la question du super-héros, qui de toute façon a tous les droits, hein, puisque personne ne peut l'arrêter. On va découvrir des histoires de manipulation, il y a plus derrière. C'est une série qui est particulièrement violente. Hein. Garth Ennis, il a fait pas mal de héros comme ça, et il a notamment bossé sur The Punisher. Donc lui, les comics, il les connaît par sous bout des doigts. Et on est dans cette grande tradition tracée par Alan Moore avec ses Watchmen, ou Batman Dark Knight, où véritablement on prend le contre-pied et on voit qu'en fait il n'est pas seulement question de sauver le monde, il y a des thématiques qui sont beaucoup plus profondes. La saison 1 est vraiment bien, vivement la 2. Simon Rio, vous confirmez ? Oui, oui, Garfenis, c'est un des plus grands sales gosses de la bande dessinée américaine, et vraiment la série lui rend assez honneur à son travail. Ce qui est très agréable, c'est que au-delà de la critique, on va dire, de la représentation des super-héros telle qu'on peut l'avoir actuellement au cinéma et telle qu'elle triomphe avec Disney et Marvel, il y a aussi une critique sous-jacente très très intéressante de la représentation du bien, la représentation de ce qui est justifié et justifiable dans nos sociétés occidentales, et toute une critique de l'homme ou la femme providentielle, de cette figure-là qui est quand même très présente encore dans nos discours politiques, dans nos discours médiatiques. Et la série s'amuse à déboulonner ça avec une agressivité, une méchanceté, et puis surtout, paradoxalement, dans son côté bourrin, panzer, tarte à la viande, quelque chose de plus fin qu'il n'y paraît, parce que ces gens qui vont monter au front contre les super-héros, pour s'attaquer à des super-héros qui sont des super narcissiques, super vilains, affreux, il faut des super nihilistes, horribles, méchants, cruels et impitoyables. Et la série, voilà, est assez dure et elle pose un regard assez désenchanté et lucide sur ces personnages, ça fait beaucoup de bien. The Boys, vous pouvez retourner aux comics de Garcenis et Derek Robertson, je crois que ça doit être chez Vertigo. En tout cas, la série, elle est diffusée sur Amazon Prime. Un tout dernier mot, mais vraiment très rapide, en deux mots, Jérôme. Vous vouliez nous parler d'un roman, La parabole du semeur d'Octavia Butler, c'est au Diable Vauvert. Rapidement. Bah, je vais être simple, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, c'est un chef-d'œuvre, milieu des années 90, post-apo, avec plein de désillusions, mais surtout plein d'espoir. Dans votre vie, il faut lire La parabole du semeur et la suite, La parabole des talents d'Octavia Butler, et c'est au Diable Vauvert. Et il y a quelqu'un qui partage ce point de vue, c'est Jeanne Adeba. Bonjour Jeanne. Bonjour, oui, j'adore ce livre, La parabole du semeur, mais je mettrais quand même un petit bémol. Je préfère nettement les livres qui l'ont précédé, parce que justement dans La parabole du semeur, Butler tombe dans le côté un peu messianique, qui est bien normal parce que elle est très croyante en fait, et ça se voit beaucoup dans ce roman-là, alors que dans des romans qui n'ont pas été retraduits ou réédités comme La fugitive par exemple ou Le motif, cet archétype est beaucoup moins présent, et on travaille sur la communauté noire en particulier, sur le racisme, et c'est tout un courant qui va naître de ce roman, de cette série de romans chez Butler et également chez son confrère Samuel Delany, qui est de la même génération, qui va donner ce qu'on appelle l'afrofuturisme. Mmh. Et bien justement, on va en parler, Jeanne. Un mot, je rappelle que vous êtes autrice, directrice artistique de l'indispensable festival des Utopiales dont nous sommes partenaires, qui va d'ailleurs, dont vous pouvez nous dire un mot d'ores et déjà. On a les dates, on a le thème. On a le thème, Crasse, qui va couvrir quatre axes très particuliers, les indices, les signes, les vestiges et les stigmates. Nous nous interrogeons sur la trace de l'homme, non pas sur la jeune femme comme dans la Bible, mais sur la planète. C'est le premier week-end de novembre, juste le dernier jour de novembre et des premiers week-ends. C'est ça. Et Jeanne, vous vouliez nous parler du premier tome d'une trilogie qui est tout à fait remarquable, hein, qui est l'un des temps forts incontestablement de la littérature de science-fiction de l'année écoulée. C'est Rosewater de Tadée Thompson, aux éditions J'ai lu. Alors, c'est un très grand roman, le premier déjà. Le second aussi, je n'ai pas encore lu le troisième qui est prévu au 15 octobre. Alors, il est clairement dans la lignée afro-futuriste, bien que Tadée Thompson refuse absolument en tant qu'auteur d'aborder ce sujet-là. On sent chez lui le même agacement qu'il y a pu y avoir chez les autrices femmes de science-fiction, qui est « Allons bon, je vais encore faire le noir de service ». Donc, mais en tout cas, du point de vue littéraire, il est complètement dans cet angle, c'est-à-dire que son roman se passe au Niger avec des supposés culturels nigérians dont on peut saluer d'ailleurs le très gros travail du traducteur. Alors en gros, ça se passe en 2066. Une ville, Rosewater, a poussé comme un champignon autour d'un biodôme extraterrestre qui est apparu comme ça. Et depuis des années, les gens se pressent autour de ce biodôme parce que tous les ans, il y a une guérison miraculeuse qui se produit lorsqu'il s'ouvre. Et les gens qui sont cancéreux, qui sont en phase terminale d'une maladie quelconque, s'approchent et sont guéris. Enfin, pas forcément d'ailleurs, parce que la guérison est très extraterrestre en soi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les extraterrestres regardent le corps des malades et essayent de le remettre d'équerre, mais sans avoir trop les plans du départ. Donc il y a des améliorations, mais il y a des péjorations. Certains malades se retrouvent dans une pire situation que prévu. Et le pire, c'est que parfois, ils réveillent les morts. On se retrouve avec des hordes de zombies en train errer dans la ville, plus ou moins dangereux, mais on les abat. Et là-dedans, dans cette cour des miracles, il y a le personnage principal, Caro, qui au départ est un bien avant Rosewater, parce que le roman alterne les points de vue présents et passés de façon assez vertigineuse. Et donc on suit le parcours de cet agent spécial qui a des talents spéciaux sans doute récupérés auprès du biodôme, mais on n'en sait pas trop grand-chose. Et son parcours intellectuel, psychologique et surtout affectif. Et en gros, c'est comment Caro devient un être humain au fur et à mesure et au contact de ce biodôme extraterrestre. C'est donc... Qui ne sait pas trop ce que c'est que l'humain, d'ailleurs. C'est donc Rosewater, le traducteur, c'est Henri-Luc Planchat, aux éditions J'ai lu, collection Nouveau Millénaire, voilà, qui est effectivement une des sensations qui a été primée d'ailleurs aux Utopias l'an dernier. Merci beaucoup, Jeanne, et excellent été à vous. Merci. On se voit à la rentrée. Et l'heure tourne, évidemment, se rapproche inexorablement du crépuscule. Sort de l'ombre une sinistre silhouette. Qui est-ce donc? Est-ce Maléfique? Est-ce Elvira? Est-ce Lilith, femme de Belzébuth? Non, c'est François Angelier. Bonjour François. Ah oui, je suis désolé, c'est beaucoup moins sexy, mais j'espère être aussi effrayant. Mais bonjour, vous l'êtes. Nicolas. Ça fait plaisir de vous réentendre aussi. Quel plaisir d'entendre votre voix, camarade Angelier. Et oui, et vous également. Vous êtes venu nous parler, évidemment, alors d'un livre étrange, bizarre, d'Aristide Barbier, mais je ne crois que ce n'est pas vrai, ce n'est pas le vrai nom de l'auteur, qui s'appelle Solénopédie. Absolument. Alors autant Tadé Thompson incarne le présent, le fer de lance de la nouvelle science-fiction, autant avec Solénopédie, on est dans les, je dirais, dans la paléo-fiction, dans cette fiction de bien avant la science-fiction que connaissent à fond des gens comme Kostialterak ou Jean-Luc Buard, puisque c'est un texte de 1838. Alors de quoi s'agit-il? L'auteur, effectivement, le texte est signé Comte d'Albis, mais il n'y a pas plus de Comte d'Albis que par ailleurs. Il est signé en définitive d'Aristide Barbier, personnage oublié, qui a été notaire pendant un temps, qui a quitté le notariat pour devenir industriel et qui, par tout un réseau d'amitié, de mariage, était à l'origine, il faut le savoir, des usines et du groupe Michelin, parce qu'il s'est lancé dans l'industrialisation du caoutchouc, ce qui à cette époque était un peu une nouveauté. Mais c'est pas ce qui nous amène aujourd'hui. C'est la solénopédie. Alors de quoi s'agit-il? Solénopédie, c'est un néologisme formé à partir de deux termes grecs, solénos qui est le tuyau et paedia qui est l'éducation. C'est l'éducation par les tuyaux. Et pourquoi en parler dans une émission de science-fiction? Eh bien parce que ce texte relève de la science-fiction. Le héros, donc, personnage assez singulier, dandy, riche, est un jour sollicité par un chercheur bizarre, Monsieur T, qui lui emprunte de manière un peu brusque 5000 francs. Et ces 5000 francs, on ne sait pas à quoi ils vont servir. Et bien des années plus tard, eh bien le héros, qui randonne dans les Pyrénées, tombe sur ce mystérieux personnage qui vit en ermite, très maigre, très austère, dans une sorte de château gothique très proche de ceux d'Anne Radcliffe. Et à l'intérieur de ce château, on ne sait trop ce qui s'y passe, le mystère un peu rôde et les villageois sont inquiets. Et malgré tout, du fait qu'il a un peu financé l'opération, eh bien notre héros accède au laboratoire secret, au bunker gothique et inquiétant de Monsieur T. Et qu'est-ce qu'il découvre? Eh bien, il découvre que, se basant un petit peu sur les travaux des phrénologues comme Gall ou Spurzheim, c'est-à-dire ceux qui, après avoir topographié la surface cérébrale, eh bien, tentaient d'intervenir sur elle pour développer les capacités des hommes ou des animaux, eh bien là, c'est ce qu'a fait exactement Monsieur T. Il a foré des petits trous, plus ou moins grands, dans le crâne d'animaux ou d'humains. Il y a inséré des tuyaux et à l'intérieur de ces tuyaux, il fait passer du phosphore. Parce que comme chacun sait, le phosphore a des capacités, je dirais, surstimulantes. Et donc à partir de cela, il a réussi à créer des animaux qui sont ses domestiques. Eh bien, il y a un vautour, il y a un loup, il y a des animaux qui le servent, avec lesquels il peut avoir des rapports comme on en a avec des domestiques ou des employés. Et puis il y a surtout, alors c'est le pire, je dirais, entre guillemets, de l'affaire, ce sont des enfants qui sont mis en batterie et qui ont des tuyaux plantés dans le crâne. Et à partir de là, on tente d'orienter leur capacité intellectuelle, leur puissance cérébrale et de définir leur avenir. Donc c'est une nouvelle oubliée qui ressuscite aujourd'hui les éditions Milon, avec justement, en partant, je dirais, de tout ce qui était à l'époque, l'actualité, le souci scientifique, c'est-à-dire la phrénologie, le développement déjà un peu de transhumanisme, le développement des capacités intellectuelles de l'homme, l'homme augmenté, on est déjà un peu dans ces rêveries vaguement cauchemardesques. Et bien à partir de là, donc nous avons un conte qui est un conte fantastique, qui est à la fois un des plus anciens, peut-être une des premières traces, je dirais, de la science-fiction. On est bien avant, on est 20 ans certes après Frankenstein, mais on est bien avant le docteur Moreau, oui, on est bien avant le docteur Jekyll et Mr. Hyde. L'éditeur Mark Renville parle d'un conte éthique, donc il y a à la fois un peu de morale, il y a du fantastique et de l'horrifique, parce que des enfants en batterie avec des tuyaux phosphorants, c'est assez effrayant. Solène Nupédi, c'est donc aux éditions Jérôme Milon. Merci beaucoup, camarade Anjoli, un très bel été à vous. Merci, camarade Martin, je salue tout le monde, et puis à très vite. À très vite. Grand plaisir, à bientôt. Et pour conclure, direction la Bretagne, où nous allons retrouver la reine des araignées. Bonjour Jeanne Rousseau. Bonjour Nicolas. Fondatrice. Ça fait très plaisir de vous entendre. Évidemment, fondatrice et directrice des studios de jeux vidéo Spiders, d'où les araignées. Gridfall, votre dernier jeu qui est toujours disponible sur toutes les plateformes. Vous vouliez nous parler, Jeanne, d'une série qui est à mi-chemin, avec une forme un peu étrange. C'est du documentaire, mais pas vraiment. Ça reste de la fiction. C'est la série Mars qui a été diffusée sur la chaîne National Geographic. Oui, mais c'est une série. Alors, bon, je suis aussi, outre le fait que j'écris des jeux de fantasy, je suis aussi une fanatique de La Planète Rouge. D'ailleurs, sur laquelle j'ai écrit quelques scénarios également. Oui, il y a deux de vos jeux qui s'appellent Mars et The Technomancer qui se passent sur Mars. Donc oui. Et je dois avouer que du coup, par curiosité et affection toute particulière pour cette planète, je regarde un petit peu tout ce qui en parle. Et donc, je suis tombée sur cette série et ça a été au départ. Un mélange étrange de curiosité, etc. Et plus j'avançais dedans, plus ça devenait un réel coup de cœur. J'ai regardé une partie des épisodes avec ma fille, qui, elle aussi, est complètement rentrée dans le jeu de ce mélange d'informations historiques pour certaines, puisque ça parle vraiment, y compris des tout débuts de la conquête spatiale. On voit des images d'archives, aussi bien d'ailleurs politiques, économiques, que réellement juste des images de lancement de fusées, etc. Des interviews de différents personnages, dont certains sont extrêmement connus. Neil deGrasse, on voit aussi Elon Musk, etc. Et avec vraiment différents points de vue qui sont abordés. Et à côté de ça, une partie qui est évidemment complètement de la fiction, mais qu'on sent très très nourrie quand même d'une réelle réflexion sur la possibilité, sur la manière dont ça pourrait se passer sur Mars. Moi, j'ai retrouvé des éléments que j'avais vus, lus plus exactement dans la trilogie martienne, par exemple, sur cette évolution par on va dire étape. De la conquête, avec au départ effectivement juste la survie, l'atterrissage, la survie, comment ça se passe, puis après effectivement petit à petit la domestication de l'environnement et puis l'arrivée des entreprises qui viennent effectivement mettre le bazar là-dedans. Enfin, on a vraiment une progression qui du coup permet à chaque fois d'aborder différents sujets dans le contemporain, dans la période contemporaine, tout en nouant ça vraiment et en faisant une sorte de travail de lien quasiment historique entre la réalité et ce qui donne du coup d'autant plus d'impact à la fiction qui se passe au départ ça se passe effectivement en 2033 et puis plus on avance évidemment plus la fiction se décale et les années passent en fait pour cette colonie martienne qui se développe. Il faut dire que cette série, Jeanne, c'est l'adaptation d'un roman de How We Live on Mars de Steven Petranek. Peut-être pour conclure, parce qu'il nous reste plus énormément de temps, outre évidemment Gridfall qui est un excellent jeu vidéo, est-ce que vous avez pour nos auditrices et nos auditeurs qui aiment bien jouer un conseil pour passer l'été en compagnie d'un jeu qui pourrait les accompagner pendant leurs vacances ? Alors, si on veut vraiment rester dans la science-fiction, et toujours pour rester sur le même thème, on peut évidemment parler de Surviving Mars, qui est un jeu qui fait d'ailleurs, enfin, qui a énormément de points communs avec la série dont je viens de parler. Sinon, effectivement, là, un peu dans le même genre de jeu, donc de mécanique, toujours à la fois de survie, de développement, etc. J'ai beaucoup aimé Frostpunk, qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, et qui nous amène, on est toujours un peu dans la science-fiction, puisque on est dans du post-apocalyptique, qui est très intéressant parce qu'il rajoute une dimension humaine très importante. Parce qu'on doit gérer effectivement les crises de ces survivants. On a énormément en fait de choix à faire qui sont beaucoup plus des choix effectivement humains et sociaux que uniquement de la gestion de ressources. C'est ce qui rajoute une petite dimension intéressante et qui rend le jeu beaucoup plus difficile, ce qui n'est pas désagréable. Merci beaucoup, Jeanne, d'avoir été avec nous. Je vous souhaite un merveilleux été. Et puis à très bientôt. Bah, de même. À bientôt. Au revoir, Jeanne. Et voilà, La Méthode Scientifique, saison 4, c'est terminé. Merci à tout le monde. Merci à Jean Barret, Cécile Lestienne, Olivier Lascar, Natacha Vazder, Mathilde Fontès, Franck Celsis, Jérôme Vincent, Jeannette Debat, François Angelier, Jeanne Rousseau. Et merci, Simon Rieu, d'avoir été avec moi pour cette dernière émission. Mais merci, Nicolas. C'était une émission émouvante et tout en gestes barrières. Tout en moustache barrière. Comment remercier à sa juste valeur l'indispensable équipe de La Méthode Scientifique qui est venue au bout de cette quatrième saison qui était, on peut le dire, semée d'embûches. Donc un grand et un immense merci une fois de plus à tout le monde, à Eve Etienne, Céline Lezet, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Natacha Triou, Alexandra Delbeau, Antoine Beauchamp, à Olivier Bétard derrière la vitre qui est à la réalisation et à la technique aujourd'hui, Alex Dang. À partir de lundi, eh bien c'est la grille d'été en or massif qui vous attend sur l'antenne de France Culture. On y retrouvera bien entre autres Natacha Triou par exemple pour une série musicale qui sera diffusée début août. Vous pourrez redécouvrir la série Un été en Antarctique chaque samedi si vous l'aviez raté l'année dernière, ainsi que Les idées claires tous les week-ends et plein d'autres très belles choses desquelles nous ne sommes pas partis mais qui sont tout aussi formidables. Le programme complet sur franceculture.fr. Je vous souhaite évidemment un merveilleux été, plein de science-fiction si possible, avec France Culture toujours. Nous on se retrouve pour une cinquième saison le lundi 24 août à 16h, jusqu'à preuve du contraire.